loi qui fait de nous des hommes, qui fait qu'on s'en fout des autres, mais qui crée tellement le désordre. Je te parlerai de madame et puis de mademoiselle, pour les fans du 7ème ciel qui ont les ailes brûlées. Toi, j'avoue, tu nous tapes à l'œil, j'hésite et j'ai évité, alors qu'au fond, j'aurais mieux fait de t'inviter. Alors, enlève tes talons et puis entre. Toi, toi qui es du même âge, qui vis dans cette ville, la tendance marginale reste la plus forte qui nous habite. On a les mêmes colères et puis le même amour de la zik, le hip-hop, celui qu'on aime à rendre fou un asile. Et puis toi, qui veut respirer même si tu pues la clope, qui pleure des larmes de crocodile dans son survêt Lacoste. Mon rap est exotique, c'est le fruit de la passion, et si te connaître toi aussi est la plus grande des questions, alors enlève tes baskets et entre. Vous, nous, qui nous embrouillons pour une thune, et puis nous, vous qui formez le plus beau bouillon de culture, architecte démo, tends l'oreille et approche. Tu verras, les 7 péchés capitaux se trouvent dans toutes les poches. De A à Z, du zéro néant à l'infini, chez moi, c'est l'humanité qui passe avant les chiffres. Être artiste, tu crois qu'avec des pages t'auras le smic. Bref, mon cœur vers toi s'échappe de sa cage thoracique. Alors, enlève tes chaussettes ou bien tes Air Max, tes bottes, tes pompes cirées. La destination est anonyme, donc vers un pied d'égalité, déchausse-toi et puis entre.